L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Décrire scientifiquement des métiers. En 2017, les médias et les écoles essayent de nous faire croire que l'argent serait un but, alors que ce n'est qu'un moyen d'obtenir certaines richesses. Pour faire cela, ils essayent de pervertir les métiers. Il y a évidemment des métiers plus pervers que d'autres. En même temps, ils nous disent que tout le monde serait honnête sauf l'étranger. Il nous est très difficile de décrire scientifiquement la logique de notre propre métier. Cela tend à nous remettre en cause. Je pense que mon métier d'informaticien nécessite l'achat d'ordinateurs. C'est parce qu'il y a beaucoup d'informaticiens en France qu'on est engagé dans le tout numérique, consistant à porter des ordinateurs venant d'Asie pour détruire nos industries. L'informaticien fait donc un peu la loi. Mais il n'y a pas que lui qui l'a fait. Voici un extrait du livre « Les principes de la science sociale » de Henri Charles-Carré. Le trafiquant est, selon Henri Charles-Carré, celui qui achète à bas prix pour vendre cher, selon le fameux rapport qualité-prix. Voici la réponse à cette fameuse question « Pourquoi un empire finit par imploser ?» Pour les individus qui vivent du travail d'appropriation, l'accroissement du commerce n'est pas désirable. Son développement étant partout accompagné de la diminution dans l'éclat et la magnificence de ceux qui veulent diriger les mouvements de la société en vue de leur avantage personnel. L'homme d'État profite de son isolement à l'égard de ses semblables, et il en est de même de l'homme de loi, du trafiquant, du grand propriétaire d'une terre mal cultivée et de tous les autres individus appartenant aux classes dont les moyens d'existence et de distinction sont dus à leur intervention entre ceux qui produisent des denrées et ceux qui en ont besoin pour leur consommation. Tous ces individus recueillent un profit temporaire en empêchant la continuité du mouvement dans la société. Et plus est grand leur pouvoir d'agir ainsi, plus est considérable la part proportionnelle du travail qui leur revient et plus est faible celle qui reste à partager entre les travailleurs. Le courtier ne désire pas que ses commettants puissent se réunir et arranger leurs affaires sans son intervention. Le contraire est tellement vrai que plus les distances qui les séparent sont considérables, plus il peut facilement amasser une fortune à leurs dépens. Achetant pour lui-même à bas prix et à leur détriment, lorsque les prix sont bas et vendant pour son compte, et de plus en plus aux dépens de ses commettants, lorsque les prix sont élevés. Le propriétaire d'esclaves vit en empêchant l'association parmi ces individus qui lui appartiennent, exigeant d'eux qu'ils lui apportent les denrées qu'ils produisent et qu'ils viennent à lui pour celles qu'ils ont besoin de consommer. Le voiturier n'ignore pas que plus les obstacles sont nombreux entre le producteur et le marché où il vend ses produits, plus sera considérable la demande de chevaux ou de voitures, et plus sera forte la proportion des denrées qu'il retiendra à titre de compensation pour ses services. L'armateur se réjouit lorsque les individus sont forcés de se séparer les uns des autres, ainsi que cela a eu lieu dans la dernière guerre de Crimée, ou lorsque la pauvreté les force d'abandonner leur foyer pour émigrer vers des contrées lointaines, parce que cet état de choses amène la demande de navires. Il se réjouit également lorsque les récoltes sont abondantes et que la quantité qui a besoin d'être transportée s'accumule constamment, amenant une hausse dans le prix du fret. Les intérêts réels et permanents de toutes les classes d'individus sont un et identiques, mais leurs intérêts apparents et temporaires sont différents. Et c'est pourquoi nous voyons les individus et les nations s'occupant constamment de poursuivre les derniers, à l'entière exclusion des premiers. Aveuglés par l'idée du profit de la puissance du moment, les grands hommes de la Grèce et de Rome ne tinrent aucun compte de ce fait qu'ils épuisaient constamment les forces de la société dont ils faisaient partie, et suivant leur trace avant ceux de Venise et de Gênes, de la France et de la Hollande, de l'Espagne et du Portugal ont suivi une marche exactement semblable et toujours accompagnée des mêmes résultats. Il en a été de même invariablement par rapport aux trafiquants dont le plus vif désir a toujours été de maintenir à son plus haut point et même d'accroître le besoin qu'ont les individus d'user les instruments de transport et de limiter même ce besoin à l'usage de l'instrument qu'il possédait lui-même. Plus ce but peut être complètement atteint, plus devint complète la centralisation du pouvoir, plus devint splendide les lieux où les échanges devaient s'effectuer nécessairement, et plus fut grande la prospérité temporaire du trafiquant, mais plus rapide fut aussi la décadence et plus complète sa ruine. Les Phéniciens et les Carthaginois, les Vénitiens et les Génois, les Espagnols et les Portugais, les citoyens des villes hanséatiques et leurs rivaux, les Hollandais, se montrèrent en tout temps impitoyables dans leurs efforts pour forcer les habitants de leurs colonies à venir dans leurs ports et à faire usage de leurs navires. en même temps qu'il cherchait ainsi à accaparer le pouvoir comme moyen d'obtenir la richesse. Tout ce pouvoir était employé dans le but de maintenir à son apogée la charge imposée aux autres peuples, par suite de la nécessité d'effectuer des changements de lieu. Ceci, en outre, leur donna les avantages à l'achat des matières premières, en les leur faisant accumuler dans leurs ports et les soumettant conséquemment, comme aujourd'hui, à de lourdes charges et à des risques considérables, et des avantages égaux pour le reste de ces matières lorsqu'ils furent fabriqués prêts pour la consommation. C'est ainsi qu'ils s'enrichirent momentanément, tandis qu'ils appauvrissaient considérablement tous ceux qui dépendaient de leur assistance, précisément, ainsi que nous le voyons aujourd'hui, par rapport aux individus et aux compagnies qui trafiquent avec les malheureux aborigènes de notre continent occidental, avec la population mexicaine, avec les Finlandais et les Lapons de l'Europe septentrionale, les indigènes des îles de l'océan Pacifique et ceux de l'Afrique. Épuisant les peuples avec lesquels ils trafiquaient, ils trouvèrent une difficulté perpétuellement croissante pour l'entretien du trafic, par suite de l'accroissement constant des famines et des épidémies, telles qu'on en voit sévir si fréquemment de nos jours, en Irlande et en Inde. À mesure que la population diminuait, on voyait diminuer en même temps le pouvoir d'entretenir les routes et les ponts qui la conduisaient au marché, soit pour vendre les misérables produits de ces terres, soit pour acheter les denrées nécessaires à sa consommation. État de choses que l'on voit maintenant en action en Jamaïque et en Irlande, dans l'Inde et au Mexique. Dans tous ces pays, la variété dans les produits de la terre diminue constamment, en même temps qu'il y a une tendance correspondante à la diminution dans leur quantité. Nulle part, cet état de choses ne se révèle d'une façon plus éclatante qu'en Turquie. C'est à propos de ce pays qu'un voyageur moderne s'exprime ainsi. Dans certains cantons, la plus grande partie de classe agricole cultive les mêmes articles de produits et suit les mêmes routines de culture. Conséquemment, chaque individu possède en surabondance les articles que son voisin désire vendre. C'est là précisément la situation qui existe au Brésil et dans l'Inde, dans la Virginie et dans la Caroline. Sous l'empire de pareilles circonstances, le pouvoir d'entretenir le commerce étant nul, le pauvre cultivateur se trouve soumis à la tendre compassion du trafiquant, dont le pouvoir à son écart augmente, avec la diminution de la possibilité d'entretenir des relations avec ses semblables et de la vie que ce cultivateur est tellement asservi. Tels sont les résultats qui dérivent nécessairement de ce fait, l'homme devenu un instrument dont se sert le trafic, mais que celui-ci ne réussisse pas à profiter d'une telle injustice, c'est ce qui est prouvé par la décadence et par la chute définitive des sociétés dont la prospérité était due exclusivement à ce même trafic. Mes notes. Réexpliquez à votre manière le mouvement du commerce et du trafic. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.